Donc en attendant la kalima de Cheikh, Inch'Allah, on continue un petit peu dans les forêts concernant le hadith de Dajjal. Donc on était sur le fait que l'une des choses que le prophète sallam a craint pour sa communauté plus que le Dajjal n'est autre que les imams qui égarent les gens. Naam. وأئمة المضلين قد وجدت عند النصارى وعند اليهود العلماء الفسدة الفجرة et il a été vu chez les gens du livre comme les juifs et les chrétiens, que en leur sein se trouvaient énormément de savants égarés, et qui ont égaré les gens du sentier d'Allah Azza wa Jal. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. Ô vous qui avez cru, sachez que bon nombre de docteurs religieux, c'est-à-dire les savants juifs, et bon nombre d'adorateurs, c'est-à-dire les chrétiens, ont mangé l'argent des gens, bil batil, et ont obstrué le chantier d'Allah Azza wa Jal. Naam. Fa wa li hadha kana Sufyan ibn Uyayna عليه رحمة الله يقول كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففي شبه باليهود. C'est pourquoi le grand salaf, le grand imam Sufyan ibn Uyayna, il disait que nos pieux prédécesseurs avaient l'habitude de dire que si un savant parmi nos savants s'égare, alors il aura certes ressemblé à cela aux juifs. وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ بِالنَّصَارَ. Et celui qui se pervertit ou qui s'égare parmi les adorateurs, alors il y a en cela une ressemblance aux chrétiens. Ça c'est la parole de Sufyan ibn Uyayna. وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَلَامٌ جَمِيلٌ يقول وَقِيلَ أو قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ احذر فتنة العالم الفاجر. Certains salafs, ils avaient l'habitude de recommander aux gens de prendre garde contre la fitna du savant pervers. فقال فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون. زين ولا ما زين؟ ها؟ هذا كلام عظيم جدا. لأن فتنتهم أو فتنتهم فتنة لكل مفتون. Pourquoi? Parce que leur fitna, la fitna de ces savants là, c'est une fitna pour tout مفتون. الذي ما يعرف الحق من الباطل ويخبط ويخلط هذا خلاص يمشي. فلهذا الحذر من اتباع العلماء بغير علم تقليدهم. يعني c'est pourquoi on met en garde sur le fait de suivre les savants d'une manière aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أولياء. Allah subhanahu wa ta'ala dit suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et ne suivez aucune autre chose en dehors de cela, même si il fait partie des alliés ou des gens pieux. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث وقال أخوفوني عليكم أو غير الدجال أخوفوني عليكم فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. وهذا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم توكله على ربه Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donc, autre chose que le Dajjal, je crains pour vous. Mais si le Dajjal, il vient à apparaître, et que je me trouve parmi vous, alors moi, je le confondrai. Je l'affronterai. Moi, je l'affronterai. Et j'aurai le dessus sur lui. Et ça, ça montre le courage du prophète, alayhi salatu wassalam. Et sa grande confiance en Allah, azza wa jal. Wa antum ta'lamuna anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana ajdi' an-nas wa ashadduhum fil qital. Et vous savez que le prophète alayhi salatu wa sallam faisait partie, et c'était le plus courageux des hommes de son époque. Hatta Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kana yaqul idha ishtadda al-ba's kunna wara' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, imam al-Shuj'an. Et Ali ibn Abi Talib, malgré qu'il fait partie des imams dans le courage, dans la science, dans bon nombre de choses, il avait l'habitude de dire que quand la bataille, quand lors de la bataille, on trouvait de la dureté, alors on se mettait, on se repliait derrière le prophète alayhi salatu wassalam. N'am. Fahada min shaja'ati an-nabi sallallahu alayhi wassalam. Faqala wa in kharaja wa lastu fikum famru'un hajiju nafsihi. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Et s'il apparaît, alors que je ne suis plus parmi vous, alors chaque musulman sera capable ou sera en mesure de le confondre, c'est-à-dire de le réfuter. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala me remplacera auprès de chaque croyant. Wa hadha fihi fadilatul mu'min. Comme a dit akhuna Ayyub. Et ça, ça montre encore la force et l'honneur, naam. L'honneur qui a été fait aux croyants. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va le protéger du Dajjal. Naam. Fa'ana hajiju hudunakum. Wa in yakhruj wa listu fikum. Famru'un hajiju nafsihi. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Innahu shabun qatatun. Aynuhu tafi'ah. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le Dajjal est un jeune homme. Awalan, c'est un jeune homme. Thaniyan, qatat. Yani, c'est un jeune homme. Et shadid al-ju'ouda. Al-ju'ouda. Ju'ouda al-sha'ar. C'est-à-dire, il a des cheveux extrêmement grainés. Naam. Wa hadha من النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا منه حتى يعلمه المؤمن إذا خرج إذا ظهر. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il évoque les caractéristiques du Dajjal, c'est pour que chaque croyant, lorsqu'il le verra, puisse le reconnaître mubasharatan, puisse le reconnaître mubasharatan. Et أوصاف الدجال كثيرة منها أنه أحمر اللون. Et les attributs, les caractéristiques du Dajjal, elles sont nombreuses, citées dans énormément de hadith. Parmi ces caractéristiques, le fait que il est de couleur rosâtre. Sa couleur de peau est une couleur rosâtre, comme c'est évoqué dans le hadith de Abdullah ibn Umar عند البخاري. وكذلك comme c'est dans ce hadith, son œil, il a un de ses yeux qui est éteint. Et c'est quel œil? L'œil gauche ou l'œil droit? L'œil droit. Son œil droit, il est éteint. Ça veut dire il ne voit pas de celui-là. Il est borné. Naam. Wa kadhalika annahu aqim la yulad. Et aussi, il ne peut pas enfanter, il ne peut pas avoir d'enfant. Wa dhakara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kathir. Kathiran min awsafih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué énormément de ses caractéristiques. Pourquoi? Pour que le croyant, lorsqu'il le verra, il le reconnaisse automatiquement. وكذلك من أوصافه أنه مكتوب بين عينيه كافر. Parmi ses attributs, parmi ses caractéristiques, le fait qu'il est écrit au milieu de son front كافر. Donc soit c'est écrit en lettres attachées, ou soit c'est écrit en lettres détachées. يقرأها كل مؤمن. Et chaque croyant, il arrivera à lire ce qu'il y a sur son front. Katib wa ghayru katib. Chaque croyant, il arrivera à lire ce qu'il y a sur le front du Dajjal. Que ce croyant, il soit lettré ou qu'il soit illettré. Qu'il sache lire ou qu'il ne sache pas lire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va permettre de pouvoir distinguer ces lettres sur le front du Dajjal. Qala ka'anni ushabbihuhu bi'abd al-Uzza ibn Qatan. Et le prophète sallam ensuite il continue, il dit on dirait que je peux le faire ressembler l'apparencier à Abd al-Uzza ibn Qatan. Un homme qui s'appelle Abd al-Uzza ibn Qatan. بعضهم قالوا انه رجل هلك في الجاهليه. بعضهم قالوا انه مسلم. Certains savants ils ont dit que cet homme là Abd al-Uzza ibn Qatan qui ressemble fortement au Dajjal. Certains ils ont dit que c'est un homme qui est mort pendant la Jahiliya. Il est mort kafir pendant la Jahiliya. Et d'autres ils ont dit que c'était un musulman. Et ceux qui ont dit que c'était un musulman, ils ont pris ce dalil pour dire que il est permis à la personne d'apparencier un mécréant à un musulman. Tamam? Il est permis à une personne d'apparencier un mécréant à un musulman. Par exemple, tu dis le président de tel pays kafira, il ressemble à Fulan parmi les musulmans. Si toi tu dis cela pour yani, par rapport à une ressemblance naturelle, c'est-à-dire dans sa création, fala bas. Liad al-hadith, in sahha anna Abd al-Uzza ibn Qatan kana musliman. Et ceci en vue de ce hadith, si toutefois cette personne-là, il est vrai qu'elle était musulmane. Mais si même on dit que cette personne-là n'était pas musulmane, il y a d'autres hadiths qui montrent que le prophète sallam a apparencié des mécréants à des musulmans. Comme un hadith où le prophète sallam il a évoqué Amr ibn Luhay, un homme qui est mort dans la Jahiliya, et que le prophète sallam a vu dans le feu de l'enfer. Il a dit, on dirait qu'il ressemble à un tel parmi ses compagnons. Et le compagnon est venu voir le prophète sallam. Faqala lahu ya Rasulallah, ayadurruni shabahu. Ce compagnon il est venu voir le prophète, il a dit « Oh prophète, est-ce que ma ressemblance avec ce mécréant-là, ça va me faire du tort ?»« Qala la, anta muslim, wa huwa kafir. » Et le prophète sallam lui a dit « Non, toi tu es muslim, wa lui c'est un kafir. » Donc avec ce hadith-là, na'am, on profite, on voit qu'il est permis d'apparencier d'une manière... c'est-à-dire lorsqu'on parle des caractères, des traits physique qui lui permet d'apparencer un mécréant à un musulman. قال بعد ذلك انه خارج خلة بين الشام والعراق. Et donc ensuite le prophète sallam dit au قبل هذا قال من يدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف. Et donc le prophète sallam dit celui qu'il le rencontrera parmi vous, qui rencontrera le Dajjal, qu'il lise sur lui, c'est-à-dire en guise de protection, les premiers versets de Surat al-Kahf. Lorsqu'on dit les premiers versets de Surat al-Kahf, c'est-à-dire les 10 premiers versets de Surat al-Kahf. Il y a un khilaf bayna ahl al-ilm, est-ce que c'est les 10 premiers versets ou c'est les 10 derniers? Mais as-sahih, c'est que c'est les 10 premiers versets de Surat al-Kahf. Wa fihi fadilatun dahiratun liman hafidha al-Qur'an. Et donc on prend de ce hadith ou de cette partie-là le mérite de celui qui a mémorisé le Coran. Comme l'a dit Akhuna Sufyan ou Akhuna Ayyub. Ça c'est un fadl azim jiddan, hifz al-Quran. Wa annahu a'zam ma yahfazuhu al-mu'min, a'zam min al-ahadith as-sahiha wa in kathurat, wa a'zam min aqwal as-sahaba wa in 'azumat, wa a'zam min aqwal ahli al-'ilm. فهذا كلام رب العزة والجبروت. نعم. Donc là on voit que la meilleure des choses que le croyant il peut mémoriser, ce n'est autre que le Coran d'Allah Azza wa Jalla. C'est mieux que les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, autant aussi nombreux qu'ils soient. Et c'est mieux encore que les paroles des compagnons. Et c'est mieux encore que les paroles des ulama. نعم. فهنيا لمن حفظ القرآن وأتقنه وعمل به كما جاء في الحديث أهل القرآن أهل الله وخاصته. أهل القرآن أهل الله وخاصته. من هم يا رسول الله؟ من عمل به؟ كم سيفني دان الحديث les gens du Coran sont les partisans d'Allah et ceux qu'il a accepté parmi sa création. Naam. Et lorsqu'on lui a dit au prophète d'Allah, qui sont ces gens-là? Qui sont les gens du Coran? Il dit, le prophète Hassan, ce sont ceux qui œuvrent avec le Coran. Ce sont ceux qui œuvrent avec le Coran. Ala kulli hal, qala innahu kharijun khallatan bayna ash-Sham wa al-Iraq. Et donc le prophète sallam dit que le Dajjal il va sortir par une route entre le Sham, la région du Sham, et entre l'Irak. Fa'atha yaminan wa 'atha shimalan ibadullah uthbutu. Et donc le Dajjal quand il va sortir, il va semer la corruption et la perversion à droite et à gauche. À droite et à gauche. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: ô serviteur d'Allah, soyez ferme. طيب فقال donc le prophète Azam dit que le Dajjal il va sortir par une route entre la région du Sham et entre l'Irak et il va semer la corruption à droite et à gauche. Et ensuite le prophète Azam il conseille et il recommande à sa communauté de faire preuve de sabbat, de faire preuve de sabbat, de faire preuve de fermeté, peu importe ce qu'il va nous montrer comme miracle. Il faut rester ferme. نعم. فقلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض. Ils ont dit, oh prophète d'Allah, combien de temps le Dajjal il va rester sur la terre? Regardez les questions qu'ils posent les compagnons. Ils sont pas partis lui demander c'est quoi le nom de son père, est-ce qu'il a des sœurs, est-ce qu'il est marié, ou est-ce que là. هم يعني يركزون على ما هو أنفع لهم. Ça veut dire eux ils sont restés vigilants sur les choses qui leur sont les plus utiles. Et c'est pourquoi les questions des compagnons, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, vous allez voir que c'est des questions عظيم جدا. Donc là il leur dit, ils disent comme ma لبسه في الأرض, combien de temps il va rester sur terre. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما يوم كسنة يوم كشهر يوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. Donc le prophète Zazem il leur dit, il va rester ou perdurer sur terre pendant une période de 40 jours. Le premier de ces 40 jours, il aura l'équivalent d'une année. Le premier de ces 40 jours, il aura l'équivalent d'une année. Le deuxième de ces 40 jours, il aura l'équivalent d'un mois. Le troisième de ces 40 jours, il aura l'équivalent d'une semaine. Et tous les autres jours, c'est-à-dire le quatrième jusqu'à la fin, ce sera le même, la même estimation que les jours de notre époque. Naam. Faqulna, ya Rasulallah, et regardez l'intelligence des compagnons. Ya Rasulallah, ara'aita dhalika al-yawm alladhi kasana. أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني نعم طيب. Et ensuite les compagnons ils disent au prophète صلى الله عليه وسلم: Ô messager d'Allah, vois-tu, ô messager d'Allah, vois-tu ce jour qui va durer un an, est-ce que dans ce jour-là, ça nous suffira de faire la prière que l'on fait pour un seul jour? Regardez, observez les questions des compagnons. Et regardez aussi quelle importance ils accordaient à la prière, à l'adoration. Naam, comme nous avons dit avec mes frères, les sahabas étaient ذروةً في العبادة. Et donc les compagnons c'était des guides et des imams en ce qui concerne l'adoration. Et ceci parce que leur professeur est lui, c'est lui l'imam de toute la création. C'est-à-dire le prophète عليه الصلاة والسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque dans ce verset, et il dit au prophète, dis, ma salat, ma prière, ainsi que mon sacrifice, ma vie et ma mort, tout cela est voué pour Allah Azza wa Jal. Naam. Ça, c'est les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc, lorsqu'ils avaient cette importance pour la prière, cette importance pour l'adoration, c'est ça qui les a poussés à pousser cette question importante. Naam. Est-ce que dans ce jour-là, qui va durer un an, on va se contenter de faire la prière qu'on fait d'un seul jour. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la iqdiru lahu qadra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, mais au contraire, faites une estimation. Et hadha fi al-haqiqa min bayan yani mu'jizat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa anna hadha ad-din shamilun wa yaslahu fi kulli makan wa kulli zaman. Et cette partie du hadith, elle montre la vérité ou la véracité de la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam. Et que cette religion, elle est applicable à n'importe quel endroit. À n'importe quel endroit de la terre, tu peux appliquer cette religion. Et à n'importe quelle période. Pourquoi? Parce que les savants, ils ont pris de cette partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wasallam, il leur a dit, non, faites une estimation. Faites une estimation. C'est-à-dire, si le jour il dure un an, vous estimez combien de temps il y avait entre la salade du Dhahr et la salade du Fajr, maintenant. S'il y avait 10 heures, alors vous faites. Ça sonne. Khalas. طيب ف لاننا تاخرنا اصلا المفروض يعني نتصل بهم قبل هذا الوقت لكن خير على كل حال دونك لو بروفيت عليه الصلاه والسلام ماذا نعم اونيتور Voilà, au sujet de l'estimation. Les savants, ils ont pris cette partie du hadith comme quoi la personne qui vit au pôle nord, maintenant, au pôle sud, comme vous le savez, c'est des régions où le soleil, il peut durer plus, où la journée, elle peut durer plus que 24 heures. Il y a certains moments donnés, le jour, il peut rester là-bas pendant plusieurs mois. Ces gens-là, comment ils font pour faire les heures de prière? Puisque le jour, le seul jour, عندهم, c'est un jour de peut-être 3 ou 4 mois. Eh bien, ils œuvrent avec ce hadith. Et ils font une estimation en fonction de le pays musulman le plus proche de leur limite. On rappelle dans 20 minutes. Dans 20 minutes? Alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد لله يا أخوة سلامت الحمد لله طيب على كل حال فهذه et donc ça montre que cette religion c'est une religion qui est complète. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé pour vous la religion de l'islam. Naam. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la aqdiru lahu qadra. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur dit non, faites une estimation. Qulna ya rasulullah ma isra'uhu fil ard. Ils ont dit oh messager d'Allah, quelle sera sa vitesse de déplacement sur la terre? fitna. Dajjal, fitna, azim. Quelle sera sa vitesse de déplacement sur la terre? Qala kal ghayth istadbarathu ar-rih fayati 'ala al-qawm fayad'uuhum fayastajibuna lahu fayu'minuna bih. Et donc la vitesse de déplacement du Dajjal, elle sera comme la pluie emmenée par le vent. C'est-à-dire une rapidité étonnante. D'un jour, en quelques fragments de minutes, il se retrouve d'un pays à un autre. Na'am. Faqala. Et ensuite il dit, et il apparaîtra devant un peuple, et il les appellera. C'est-à-dire à croire en lui. Et ce peuple-là, ils lui répondront favorablement. Et ils croiront en lui. Faya'muru as-sama' fatumtir wal-ard fatumbit. Et c'est là que le Dajjal, quand il va voir que on a accepté sa da'wah, on a accepté son prêche, il va appeler le ciel et il va ordonner au ciel, et c'est là que le ciel va se mettre à pleuvoir. Il va ordonner à la terre et c'est là que la terre va faire sortir ses fruits ou ses légumes. Fitna. Wanabluukum bil khayri wal sharri fitna. Ou bil sharri wal khayri fitna. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, on vous éprouvera par le bien et par le mal. C'est une fitna. Donc là, le Dajjal, il leur fait voir ces soi-disant miracles. Naam. Fataruhu alayhim sarihatuhum atwalu ma kanat dhurran wa asbaghahu duru'an wa amaddahu khawasir. Et donc le bétail de ces gens qui ont cru au Dajjal, lorsqu'ils vont revenir du prêt vers eux, ils seront plus gras qu'ils l'étaient avant qu'ils partent. Leurs mamelles seront encore plus gonflées et leurs flancs seront encore plus renforcés. Naam. Thumma ya'ti al-qawm. Et ensuite, Dajjal, il va laisser ce peuple-là, il va aller voir un autre peuple. Fasid mufsid. C'est un pervers qui ne cherche qu'à pervertir. Enfin, donc il va partir voir un autre peuple. Fayati al-qawm fayad'uhum fayarudduna alayhi qawla. Il va arriver devant un peuple qu'il va appeler. Il va les appeler à croire en lui. Et ce peuple-là, mu'minun, c'est un peuple de croyants. Ils vont réfuter sa parole. Et c'est là que le Dajjal, il va les laisser. Il va les laisser. Il ne va même pas essayer de les combattre ou quoi, il va les laisser, il va partir. Na'am. Fayusbihuna mumhilin. Laysa bi aydihim shay'un min amwalihim. Et donc ces croyants-là qui ont réfuté la parole du Dajjal, ils vont se retrouver au bon matin sans la moindre chose de leur bien. وهذه يا إخوة فتنة وابتلاء شديدة شديدة. Ça c'est une grande épreuve, la pauvreté. Ils vont se retrouver dans un hal la ya'lamuhu illallah. Ces croyants-là, après que le Dajjal va les laisser, ils n'auront rien du tout. Ils seront démunis, désemparés de tout ce que a besoin l'être humain. Naam. وهذا يعني من سنة الله عز وجل. Et ça fait partie des traditions d'Allah عز وجل. Qu'il éprouve, hein, أن يبتلي عباده الصالحين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. Allah سبحانه وتعالى يقول ne pensez tout, est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans que ne vous parvienne ce qui est venu aux communautés d'avant vous, qui ont été touchés de la famine, qui ont été touchés de guerres, de différentes difficultés. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. Jusqu'à ce que le messager et les croyants qui étaient avec lui ont dit, quand est-ce que viendra le secours d'Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Mais non, certes, le secours d'Allah est proche. Fahakada. Idha ahabba Allahu qawman ibtalahum. Si Allah subhanahu wa ta'ala il aime un peuple, il l'éprouve. Faman radiya, falahu rida, wa man sakhata, falahu sakhat. Celui qui accepte cette épreuve et qui l'agrée, Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et celui qui s'énerve contre le décret d'Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala s'énerve contre lui. Na'am. Fahada يعني من سنة الله عز وجل فيمر على الخربة et ensuite le Dajjal il va passer devant des ruines فيقول أخرجي كنوزك il va dire à ses ruines il va parler à ses ruines il va dire fais sortir tes trésors ces habitations en ruines là. Le Dajjal il va leur dire, fais sortir tes trésors. فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِ بِالنَّحْلِ. Et donc, les trésors que recelaient ces ruines vont sortir et vont suivre le Dajjal comme un essaim de bourdon. Le bourdon, le mal de l'abeille. Naam. Comme un essaim de bourdon. وَيَمُرَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا. Et ensuite, le Dajjal, il va passer devant un homme qui va appeler. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا. Donc, il va appeler un jeune homme qui est dans la force de l'âge. Tamam ? Bien portant. فيضربه بالسيف. Et ensuite, il va le frapper avec son épée. Ça, c'est dans ce hadith-là. Dans d'autres hadiths, c'est avec une scie. على كل حال. فيضربه بالسيف. فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنْ رَمْيَةَ الْغَرَضِ. Et donc, il va le couper en deux. Avec précision, il va le couper en deux jusqu'à ce que les deux parties de son corps seront totalement séparées. Fi ba'd al-ahadith, il va marcher, le Dajjal, il va marcher entre l'espace qu'il y a entre les deux parties du corps. Na'am. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. Et ensuite le Dajjal, il va rappeler cet homme-là. Après l'avoir tué, il va le dire. Il va l'appeler. Et cet homme-là, il va se lever. Les deux parties de son corps vont se rassembler. Et il sera là en train de sourire. نعم. وقد جاء في بعض الأحاديث. Et c'est venu dans d'autres hadiths qui sont aussi authentiques, soit dans Sahih Muslim ou autre. Que cet homme-là, ce jeune homme, en fait, il a été attrapé par les partisans du Dajjal. Lorsqu'ils ont compris que cet homme-là, c'est un croyant et qu'il ne croyait pas au Dajjal, ils l'ont attrapé. Et ils ne l'ont pas tué parce que le Dajjal, il a interdit tous ses partisans de tuer quelqu'un sans sa permission. Donc ils l'ont emmené au Dajjal. Ils ont emmené ce jeune-là au Dajjal. فَلَمَّ رَآهُ الْمُؤْمِنِ. Et lorsque le croyant il va voir le Dajjal, il va dire Ya ayyuhan nas, hadha huwa ad-Dajjal alladhi dhakara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il va crier devant les gens, il va dire oh, gens, cet homme-là est bel et bien le Dajjal. Vous voyez, ça c'est le fruit de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a évoqué les signes du Dajjal et les caractéristiques du Dajjal. Ça fait que le croyant à cette époque, une époque qui n'est pas encore arrivée, il aura encore les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce hadith qu'on évoque. Et c'est pourquoi il est important d'évoquer ce genre de hadith. C'est pourquoi il est important d'évoquer ce genre de hadith. Donc il dira, oh Jean, ceci est le Dajjal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué. Et le Dajjal, lorsqu'il va entendre ça, il va être pris de colère. Et c'est là qu'il va le demander à ce qu'on le tienne les bras et les jambes, et à ce qu'on le coupe en deux. Quand il va le couper en deux, il va passer, comme je vous ai dit, entre les deux parties du corps, et ensuite il va lui demander de revivre. Et lorsqu'il va le faire revivre, il lui dit Atu'minu bi, et maintenant là, tu crois en moi? Fayaqul hadha, yaqul wa ma zadtu fika illa basiratan. Mais ce que tu viens de faire, ça ne m'a rajouté que de la clairvoyance sur toi. Comme quoi, tu es bel et bien le Messie Ad-Dajjal. ثم هذا الشاب سينظر الى الناس. Ensuite cet homme là, ce jeune homme, il va regarder les gens et va dire يا أيها الناس إنه لا يفعل بي بأحد من الناس. Et ensuite, cette personne-là, elle va crier aux gens, elle va dire aux gens, le Dajjal, il ne pourra plus faire cette chose-là, ce miracle qu'Allah lui a permis de faire, il ne pourra plus le faire. Ça veut dire cette chose-là, là, que le Dajjal, il a fait, c'est-à-dire couper la personne en deux et le faire revivre, ça, c'est une seule fois. Il ne peut pas le faire plus d'une fois. Lorsque le Dajjal, il va entendre ça, il va vouloir l'égorger. Et c'est là qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il va protéger cet homme-là par un collier en cuivre, min nuhas, n'am, un collier en cuivre. Et ensuite, le Dajjal, quand il va voir qu'il ne peut pas se débarrasser de lui, il va le jeter dans un feu. Parce que le Dajjal, dans certains hadiths, il est dit qu'il va venir avec un feu et avec de l'eau. Ceux que vous voyez, comme le prophète Sassam l'a dit, ceux que vous voyez dans sa main étant comme du feu, ce n'est autre que de l'eau fraîche. Et ce que vous voyez comme étant de l'eau, ce n'est autre que un feu brûlant. Donc le Dajjal, il va prendre cet homme-là et il va le jeter dans le feu. فيحسب الناس أنه ألقي في النار وإنما ألقي في الجنة. Et donc les gens ils vont croire qu'il a été jeté dans le feu de l'enfer, mais en fait cet homme-là aura été jeté dans le paradis. Et le prophète صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يقول إنه أعظم الناس شهادة عند الله. Et il dit que ce jeune homme-là, il fait partie des catégories les plus élevées de martyrs auprès d'Allah Azza wa Jal. Ala kulli hal, ya ikhwata, hadha waqt, kalimat al-shaykh, wa nahnu innama istatradna ma'akum, yani li ma la, li talab ba'da al-ikhwa, wa jazakumullahu khairan, wa inshallah ila al-kalimah.